Chapitre 2. À peine installé à l'hôtel de Florence, j'eus hâte de parcourir la ville, l'impériale cité, comme disent les Américains, la première du nouveau continent, la troisième du monde chrétien par ses richesses et sa population. La curiosité me fit promptement descendre dans Broadway, la principale rue de New York. Cette affluence de monde et de voitures. Combien de gens courant à leurs affaires? Quelle activité! Le Strand à Londres, la rue de Tolède à Naples, peuvent seuls rivaliser avec Broadway sous le rapport du bruit et du mouvement. Mais comme longueur et régularité, cette rue est sans pareil. Les boutiques qui s'ouvrent sur ses deux côtés ne le cèdent en rien aux plus belles de Paris ou de Londres. Le magasin le plus considérable, qui appartient à un riche Irlandais, occupe tout entier une immense construction en marbre blanc. Elle s'élève auprès du parc et compte 6 étages de hauteur. L'hôtel de ville, gracieux édifice aussi en marbre, est entouré d'une petite promenade publique qui porte en dépit de son peu d'étendue le nom prétentieux de parc. Non loin de là est l'hôtel d'Astor, l'un des plus anciens et des plus importants de New York. Il date de 1836. Sa façade construite en granit présente un aspect imposant mais un peu lourd. À peu de distance, Barnum a ouvert son musée, surmonté du pavillon américain et placardé de pompeuses annonces. Dans la rue, on aperçoit de tous côtés des affiches énormes. Nulle part, la réclame n'est poussée aussi loin qu'à New York. Voici la bourse, vaste édifice en granit qui a coûté 9 millions de francs. Mais qu'est-ce que cela dans une ville où la douane est bâtie en marbre blanc sur le plan du Parthénon d'Athènes? À l'extrémité de Broadway se trouve une promenade plantée d'arbres. Gracieux monument également en marbre blanc s'élève non loin du confluent de l'Hudson et de la rivière de l'Est. De ce point partent plusieurs bateaux à vapeur pour Brooklyn et Staten Island. En face de soi, on aperçut le fort Columbus qui commande l'île du gouverneur. À droite et à gauche s'étendent à perte de vue les rangées de maisons qui bordent le Hudson et la rivière de l'Est. Une foule de navires traverse la vaste baie de New York. L'activité commerciale ne se montre nulle part d'une façon aussi saisissante, si ce n'est à Londres et à Liverpool. Il faut être touriste ou flâneur pour trouver du plaisir à marcher à pied dans Broadway. Une foule d'omnibus la sillonne dans toutes les directions. Une foule active se presse sur tous les trottoirs. Il me semble que je me laisse entraîner par l'exemple, et me voici marchant rapidement dans Canal Street, qui forme la limite de la ville des affaires. J'entre dans la portion relativement nouvelle de New York. Les maisons me semblent encore plus belles et bientôt j'arrive devant l'hôtel Saint-Nicolas, remarquable par sa façade, toujours en marbre blanc. Il a 6 étages de haut et 70 mètres environ de largeur, sur autant de profondeur. À peu de distance, on voit l'hôtel de la métropole, qui présente 90 mètres de façade. Celui-ci est construit en pierre de taille, et le premier étage repose sur des colonnes de fer. Le théâtre Niblo fait partie de cet hôtel. À partir de Houston Street, toutes les autres rues perpendiculaires à Broadway portent les noms de première, deuxième, etc., ainsi de suite. On compte maintenant 60 de ces rues larges et régulières. Chaque jour, on en bâtit des nouvelles. Qui sait quels chiffres elles atteindront dans quelques années? New York, qui renfermait déjà au moment de mon passage près de 600 000 habitants, en comptait en 1860 plus de 800 000 et sa population continue à s'accroître rapidement. Le parc de l'Union, orné d'une fontaine et de plusieurs rangées d'arbres, est situé à l'extrémité de Broadway. Chemin faisant, j'ai vu plusieurs temples peu remarquables et appartenant à différents cultes. Derrière les vitrines des boutiques, on aperçoit tous les produits de l'industrie humaine. Il y a plusieurs vastes librairies et notamment celle d'Appleton. Mais combien sont rares les magasins de tableaux ou de bronze d'art. J'ai remarqué seulement quelques toiles, du reste fort médiocres. Le peuple américain ne s'occupe encore que de fonder et de meubler sa maison. Plus tard, il devra penser à son embellissement. C'est alors que les arts fleuriront. Puisse-t-il un jour parvenir à cette perfection qu'ont atteinte le commerce et l'industrie dans les États-Unis? Dans plusieurs rues de New York, on a établi des voies ferrées pour les omnibus traînés par des chevaux. Moyennant 25 centimes, je suis rapidement transporté dans la 40e rue. J'arrive devant une énorme tour en bois qui s'élève à plus de 100 mètres. On paye 1 franc 25 centimes pour monter à son sommet, d'où l'œil domine New York et ses environs. À nos pieds s'étendent une masse considérable de maisons en briques, entremêlées de 250 églises. Des rangées d'arbres indiquent la direction de plusieurs longues rues et des principaux squares. L'Hudson et la rivière de l'Est entourent la ville d'une forêt de navires. Plusieurs îles s'étendent devant New York et défendent son immense baie, bordée de charmantes maisons de campagne. L'océan Atlantique forme le cadre de ce grandiose panorama. Je passe la soirée au théâtre William, où l'on joue plusieurs comédies assez amusantes. Une actrice remplit dans la même pièce un rôle différent et chante fort bien en anglais, en allemand et en français. Elle obtient beaucoup de succès et recueille une masse de bouquets envoyés avec les plus bruyantes acclamations. 1er juillet. Depuis 2 jours, je demeure dans un hôtel américain et je n'ai pas encore échangé une seule parole avec les autres voyageurs. Pendant les repas, on mange vite et l'on parle peu. À moins d'introduction, je ne pourrai jamais établir la moindre relation avec mes voisins. À la table d'hôte, il n'y a pas une seule dame, et cependant j'en ai vu plusieurs descendre dans notre hôtel. Je demande une explication à ce sujet. Voici la réponse du domestique auquel je m'adresse. Il y a 2 escaliers, l'un pour les femmes, l'autre pour les hommes. L'hôtel se divise en 2 parties tout à fait distinctes et réservées exclusivement à chaque sexe. Aussi, plusieurs jeunes filles qui habitent l'hôtel depuis quelque temps n'ont-elles jamais rencontré un seul voyage célibataire. Les hommes mariés ont seuls le privilège d'habiter avec leurs femmes dans le bâtiment consacré au beau sexe. Cet usage, qui semble singulier à un Européen, est sans doute fort commode pour les dames en voyage, mais il rend la vie d'hôtel assez monotone. Aussi, je vais louer une chambre meublée chez des Français, qui m'accueillent avec beaucoup d'affabilité. Un ferryboat à la vapeur faisant le service entre New York et Brooklyn, m'ayant transporté un matin en 10 minutes dans cette dernière ville, située à l'extrémité occidentale de Long Island, j'aperçus en passant plusieurs pièces de canon et des piles de boulets rangées sur l'île du gouverneur. C'est un spectacle assez rare aux États-Unis pour mériter d'être signalé. À peine descendu à terre, je me dirigeais dans un omnibus vers le cimetière de Greenwood, éloigné de 5 kilomètres environ. La route qui suit le bord de la mer est formée de planches fixées sur le sable et à de gracieuses échappées sur l'île de Staten. À la porte du cimetière où me déposa l'omnibus, je vis, non sans surprise, une file de voitures qui se tiennent à la disposition des voyageurs pour leur faire parcourir sans fatigue la route sablée qui fait le tour de ce vaste champ de repos. Mais je préférais suivre à pied les sentiers sinueux qui le sillonnent. Les tombes à part, c'est un vrai jardin anglais, accidenté d'une manière charmante. Ici, des étangs au fond de gracieux vallons, là, des collines d'où la vue s'étend sur la baie de New York. Plus loin, les épais ombrages de la forêt. On appelle ainsi les terrains encore vacants et en friche dans le cimetière. 2 monuments funéraires attirèrent entre tous mes regards. Le premier a été élevé par souscription à la mémoire de plusieurs pompiers de New York qui périrent dans un incendie en 1848. Il est surmonté d'une statue en marbre blanc représentant un Américain sauvant des flammes un jeune enfant. Le second renferme la dépouille mortelle d'une jeune fille, Mademoiselle Ganda, qui trouva à 17 ans, au sortir d'un bal, la même fin que le dernier des ducs d'Orléans. S'étant élancée de sa voiture entraînée par des chevaux effrayés, elle se tua sur le coup et on ne rapporta à sa mère malade que son cadavre encore revêtu de son costume de bal. La dot qui lui était réservée fut consacrée à l'érection de son tombeau. Il est en marbre de Carrare, orné de magnifiques bas-reliefs exécutés en Italie. Non loin de là s'élève un tertre qui domine un admirable panorama. D'un côté, la ville de New York et sa vaste baie, sillonnée de bateaux à vapeur. De l'autre côté, l'immensité de la mer, tachetée de quelques voiles blanches. À nos pieds, le champ du repos où viennent mourir les murmures lointains de la ruche humaine et de l'océan Atlantique. Je vis, non sans effroi, se lever le jour du lendemain. C'était un dimanche, journée consacrée à l'ennui. Toutes les boutiques sont fermées. Les bar-rooms seuls laissent leurs portes entr'ouvertes. Les voitures tirées sur les rails ont seules aussi le privilège de rouler, grâce à leur marche silencieuse. On ne rencontre personne dans les rues, si ce n'est au moment des services religieux. J'entre dans un temple anabaptiste au moment où l'on y fait une quête au profit du ministre, qui n'est pas salarié par le gouvernement. Aux États-Unis, il n'y a pas de culte privilégié. Chaque secte religieuse doit suffire à ses frais par des contributions volontaires. Ce qui n'empêche pas les ministres de chaque secte de jouir d'une existence confortable, bien qu'ils soient lotis d'ordinaire d'une nombreuse famille. Dans l'après-midi, je m'arrêtais dans un carrefour pour écouter la parole inspirée de quelques puritains, vrais descendants des saints du Covenant. À les voir et les entendre, on croirait à une résurrection de ces fanatiques célébrés par l'auteur d'Old Mortality. Ils parlent toujours ainsi en plein air, devant une foule qui grossit à chaque instant. Souvent, ces ardents sectaires attaquent le catholicisme, la grande prostituée de Babylone et surtout les jésuites, dont ils se défient particulièrement. Il en résulte que si quelques Irlandais se trouvent dans l'auditoire, ils cherchent à interrompre l'orateur. Une dispute s'engage, le sang ne tarde pas à couler, et il n'est pas rare qu'en se séparant, ces groupes de fidèles ne laissent plusieurs cadavres sur le terrain. Les agents de police se tiennent prudemment à l'écart de ces rixes religieuses. Le plus souvent, ils ne seraient pas assez nombreux pour que leur intervention pût être efficace. Beaucoup d'Américains, et surtout d'étrangers, vont achever leur dimanche en passant quelques heures de la soirée dans les salons des confiseurs ou autres industriels qui débitent des glaces. Quelques-uns de ces établissements, par leur étendue et le luxe de leur décoration, peuvent surprendre même un Parisien. Entre autres travaux d'art et d'utilité publique, New York est fière à bon droit d'un aqueduc de 72 km de longueur qui lui amène les eaux potables du lac Croton. Ce grand travail est revenu à plus de 65 millions de francs. Le réservoir, destiné à la réception des eaux, est situé sur la colline de York. Celui qui les distribue se trouve auprès des bâtiments de l'exposition. Les vastes dimensions de ces deux bassins en font des objets dignes de remarques et d'études. Mais il y a, sur le parcours de cet aqueduc, un pont nommé High Bridge, le Grand Pont, que les Yankees recommandent surtout comme une œuvre incomparable et sans rivale à l'admiration des étrangers. Pour me trouver face à face avec cette dixième merveille du monde, je n'avais à franchir qu'un trajet de 13 kilomètres sur une belle route à travers de gracieuses campagnes, émaillées à chaque instant de jolis parcs, de riantes villas, de nombreux hôtels, qui ne cèdent à celle-ci ni en élégance ni en confort de toutes sortes. Je n'hésitais donc pas à aller visiter High Bridge. Cette construction qui s'élève entre deux montagnes, au-dessus de la petite rivière de Harlem, dont les bords sont couverts de bois touffus, est certainement remarquable par le paysage qui l'entoure et par la hardiesse de ses hautes arches. Mais sous le rapport des proportions et de l'architecture, on ne peut le comparer au pont du Gard ou de Roquefavour. Les vieux constructeurs romains dans leur sépulcre de 18 siècles, et notre compatriote Montrichet, dans sa tombe fermée d'hier, peuvent dormir en paix, ils n'ont pas encore été dépassés par les Américains.